جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. On se retrouve demain, Inch'Allah, ta'ala, à la même heure. Naam. Et n'oubliez pas le prochain rendez-vous, Inch'Allah, ta'ala. Ça sera, bi'idhnillah, ça sera... Alors, je reviens... Ce sera avec notre frère, Inch'Allah Ta'ala, Omar Abu Saouda, qu'Allah lui facilite et le préserve. Vous serez informé de l'heure, Inch'Allah Ta'ala, parce que je ne me rappelle plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui m'écoutent encore, parce que j'ai pas encore coupé, donc j'ai vérifié l'heure, Inch'Allah Ta'ala, ça sera à 22h, heure française. Barakallahu fikum. Donc sur le sujet, les belles règles concernant l'explication du Coran de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Soyez présents, barakallahu fikum. Naam, salam alaikum.